Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. J'ai tout quitté pour la garde Sylvie. Elle me quitte. Vers le ruisseau.